Vérité, je viens vous la servir. Les livres d'histoire n'en racontent pas tout. Mente, cache, dissimule. Connais-tu vraiment le Vietnam? Son passé en tant qu'or, la colonisation. Les huttes des grands chefs ont été pillés. Virulent, il a traversé le temps jusqu'à nous. Il t'envahit petit à petit. Tu n'as pas fait attention, on t'en parlait de lui partout. Ce n'est pas une fiction. Ferme les yeux, tu vois le noir, ce monde est néant. Gâché, quitté de peur et de tristesse. Tu verses des larmes sur les verres de larmes qui crachent ma plume. Ça te transperce le cœur. Ouais, ça te transperce le cœur. C'est tout le globe qui saigne, il est contaminé. Sur la liste de la mort, il est en première ligne. Personne ne protège, alors c'est tout son cortège qui part avant lui. Vendetta à la hachette. Des hold-up perpétués. Un solstère est en prête à entreprendre inévitable. Vouloir s'enrichir au plus vite. Monter au plus haut. Quand d'autres descendent au plus bas. C'est en vain que l'on essaye de défendre tous les hommes des menaces. Virage nucléaire et autres sur cette terre. Ils vendent tous leur âme au diable pour un peu de maille. Pourquoi pas gagner honnêtement son argent? Car l'homme s'ennuie, tu peux garder des affiches. La terre veut soulever des haltères trop lourdes. Trop d'efforts sont à faire pour attraper toutes ces merdes. Elle porte déjà tout le monde sur sa terre. Partie avant l'heure. Elle partira comme elle est venue, dans la pénombre. Sors ton visa, explore les volcans. Ces géants puissent leur énergie au cœur de la terre. Moi je puise ma puissance dans mon âme et le champ. Dans nos veines coule la source vauclusienne. Comme elle, on veut surgir, on ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas où nous allons. Dans les veines de ce pauvre mec navigue le virus que le monde craint. Dans ses yeux le chagrin, verbalisé par le mal. Le prix à payer, c'est la faux. Cette maladie vertueuse des fleurs, des mers et océans se répand. Un cœur de houx intouchable. Une vie de hibou, cachée dans le noir, vadrouillée à la recherche de l'espoir. Envie de vivre, quand il annonce aux personnes qu'il aime, cette nouvelle. C'est pire que la vérole, la variole, qu'un viol. On lui cache par devant, ils en parlent par derrière. Ils ne voient pas tous ces hypocrites. Pourtant ils sont là, ils sont tous restés à l'âge de l'homo habilis. À moins de 2 millions d'années passées, en 2006, l'on se dit moderne, mais ces idées ne sont pas saines. Ce virus a la dalle, puis il goûte à la vie, puis il veut connaître la mort. Pour le suivre sous la dalle, il fait tout pour y arriver. Ce putain est achevé. Protège-toi, protège-toi, protège-toi. Ouais, protège-toi, protège-toi.